Des lauriers dévalait la rue des Martyrs en jurant tout haut d'indignation. Car son projet, tel qu'un obélisque abattu, lui paraissait maintenant d'une hauteur extraordinaire. Il s'estimait volé, comme s'il avait subi un grand dommage. Son amitié pour Frédéric était morte, et il en éprouvait de la joie. C'était une compensation. Une haine l'envahit contre les riches. Il pencha vers les opinions de Sénécal et se promettait de les servir. Arnoux, pendant ce temps-là, commodément assis dans une bergère, auprès du feu, humait sa tasse de thé, en tenant la maréchale sur ses genoux. Frédéric ne retourna point chez eux, et, pour se distraire de sa passion calamiteuse, adoptant le premier sujet qui se présenta, il résolut de composer une histoire de la Renaissance. Il entassa pêle-mêle sur sa table les humanistes, les philosophes et les poètes. Il allait au cabinet des estampes voir les gravures de Marc-Antoine. Il tâchait d'entendre Machiavel. Peu à peu, la sérénité du travail l'apaisa. En plongeant dans la personnalité des autres, il oubliait la sienne, ce qui est la seule manière, peut-être, de n'en pas souffrir. Un jour qu'il prenait des notes, tranquillement, la porte s'ouvrit et le domestique annonça Madame Arnoux. C'était bien elle. Seule? Mais non, car elle tenait par la main le petit Eugène, suivi de sa bonne en tablier blanc. Elle s'assit, et, quand elle eut toussé, « Il y a longtemps que vous êtes venu à la maison. » Frédéric, ne trouvant pas d'excuse, elle ajouta, « C'est une délicatesse de votre part. » Il reprit, « Quelle délicatesse! Ce que vous avez fait pour Arnoux, » dit-elle. Frédéric eut un geste signifiant, « Je m'en moque bien, c'était pour vous. » Elle envoya son enfant jouer avec la bonne dans le salon. Ils échangèrent deux ou trois mots sur leur santé, puis l'entretien tomba. Elle portait une robe de soie brune, de la couleur d'un vin d'Espagne, avec un paletot de velours noir bordé de martre. Cette fourrure donnait envie de passer les mains dessus, et ses longs bandeaux, bien lissés, attiraient les lèvres. Mais une émotion la troublait, et, tournant les yeux du côté de la porte, « Il fait un peu chaud, ici. » Frédéric devina l'intention prudente de son regard. « Pardon, les deux battants ne sont que poussés. »« Ah, c'est vrai. » Et elle sourit, comme pour dire, « Je ne crains rien. » Il lui demanda immédiatement ce qui l'amenait. « Mon mari, reprit-elle avec effort, m'a engagé à venir chez vous, n'osant faire cette démarche lui-même. »« Et pourquoi ?»« Vous connaissiez M. d'Ambreuse, n'est-ce pas ?»« Oui, un peu. »« Ah, un peu. » Elle se taisait. « N'importe, achevez. »